Arrivé au stade des Seven Fighters, vous rencontrez une certaine Jeanne Azuki pour vous faire découvrir l'opening français et japonais sorti en 1987. Foudre en match de volley-ball. Après avoir appris à jouer au volleyball avec Jeanne, partons enfiler maintenant chaussures et crampons et en route à la rencontre de Benjamin et d'Eric pour ce numéro 17. Sorti en 1992, l'École des Champions fut diffusée sur la 5, sur le Club Dorothée et maintenant sur la chaîne Manga. Vous avez aimé de rencontrer Eric et Benjamin, vos idoles. Maintenant, on part pour un autre sport. Il s'agit de Cross Game pour son numéro 16, sorti en 2003 et d'après l'œuvre de Adachi.

Vous avez apprécié de conduire une automobile de pole position en compagnie de notre japonais. Maintenant, nous faisons route vers Akabara où nous rencontrons des personnes avec de drôles d'engins. Il s'agit de Air Gear pour le numéro 10, sorti en 2006. Prenons le bus maintenant, avec cette petite page de publicité. Ici Otakuza, partenaire numéro 1 de Radio Anime. Et surtout, il fait partie de la mafia. Monsieur Yann. Non, Monsieur Otakuza. Ryu Dokkan Channel, la chaîne YouTube délirante sur les animes et la culture japonaise. Retrouvez-nous sur ryudokkanchannel.net. Tu veux cet artefact? Allez, viens. Kiki. Arrivé au Kyoshen, nous allons découvrir une autre rencontre de baseball pour ce numéro 9, H2, sorti en 1995 et d'après l'œuvre d'Adachi. À la fin de la rencontre, notre ami japonais nous invite à un spectacle de patinage artistique, Yuri on Ice, sorti en 2016 pour le numéro 8. Can you hear my heartbeat? Tired of feeling never enough. I close my eyes and tell myself that my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the blade, you set my heart on fire. Don't stop us now, the moment of truth. We were born to make history. We'll make it happen, we'll turn it around. Stop us now, the moment of truth. We were born to make history.